cours numéro 11. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Fanwasil fi darsina fi sharh al-usul min ilm al-usul lil'allama al-shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Wa fi darsina al-akhir intahayna min baba aw min babayn al-amr wal-nahi. وآخر مسألة أخذناها ما هي؟ Le dernier point qu'on a traité ensemble, c'était quoi? من يذكرنا؟ نعم. من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. ما معنى هذه الجملة؟ من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. تفضل. أحسنت. أي لمن توجه هذه الأوامر والنواهي؟ أي كيس كيف يتنصغني بع هذه الأوامر والنواهي أي افعل كذا لا تفعل في كذا كنتنا هذا في القرآن أو في السنة فكيس كي يتنصغني أي كيس كي يتوفر cet ordre أو délaisser cet interdit est-ce que c'est pour tout le monde est-ce qu'il y a des personnes qui sortent من هذا الحكم فعندما كيس كي يرزم قال شيخ العثيمين الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو من لا قبل ذلك المكلف ثم البالغ في بقية المكلف أولا نصت العموم المكلف ثم المكلف سبع أنجلوبي العاقل البالغ إلى آخر فالمكلف هو الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف سالبالغ والعاقل من هو البالغ فهي تمام 15 سنة وكذلك انت بالمني من يكمل نعم هذا هو البالغ سوف sortir الصغير فمن بالغ celui qui atteint l'âge de la puberté avec les شروط او العلامات plutôt les signes que اخونا vient de citer فهذا بالغ il est concerné par الاوامر والنواهي والعاقل من هو نعم وضد المجنون نعم العاقل أي سوف يخرج المجنون celui qui a ses capacités mentales هذا عاقل فسيل عاقل بالغ les deux فهي est concerné par الأوامر والنواهي أما الصغير والمجنون فتقدم معنا أنهما ils sont pas concernés par الأوامر والنواهي والصغير si fait du خير فيؤجر أما السيئات فلا تكتب عليه. Il n'est pas concerné par les péchés. أي, il n'aura pas de compte à rendre tant qu'il est petit. وهكذا المجنون. أما الخير, فتقدم معنا أن البالغ يؤجر. وهنا كلمة لشيخ الإسلام, on l'avait pas cité, وهي مختصرة طيبة. رحمة الله عليه كما في الفتاوى. قال, والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات. وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات. هذا كلام واضح لدى الإمام ابن تيمية رحمه الله الأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات toutes les حسنات qu'ils font ils seront récompensés يوم القيامة si jeune un jour si il fait une salat si il fait le hajj si il fait une sadaqa si il fait du bien il a arrêté tout ça il sera récompensé يوم القيامة وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات et ça c'est من رحمة الله عز وجل كما تقدم أما في السيئات فالقلم إلى مرفوع قال رحمة الله عليه في نسو كلام كما ثبت في الصحيح ونسيتي انصمل حديث حج الصبي فالصبي يثاب على صلاته وصومه وحجه ويفضل على من لم يعمل كعمله فسامون خلنا حتى الأطفال درجات عند الله سبحانه وتعالى ils sont pas au même degré ce طفل cet enfant qui a fait certaines œuvres avant l'âge de la puberté il aura un rang plus élevé يوم القيامة وفي الجنة qu'un autre enfant qui a fait moins d'œuvres مثلا qui n'a pas fait le hajj comme l'autre et هذا c'est من عدل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته جل وعلا هذا كلام شيخ الإسلام من الفتاوى أما المجنون il n'est pas pris en considération s'il fait des péchés bien sûr لأن القلم مرفوعا et كذلك عند الحسنات لا يؤجر لماذا؟ On avait fait une précision. Ah, نعم. لأن الدليل لعام يرفع أو رفع القلم عن عن ثلاث ومنهم المجنون. أما الصبي هنا دليل qui montre qu'il a du أجر. حديث الصحابية رضي الله عنها qui a montré son enfant au prophète صلى الله عليه وسلم et elle lui a demandé est-ce que هذا il a le حج. Il lui a dit نعم. نعم. وثانيا on avait cité autre chose. نعم. لأن النية لا بد من قصد ونية. Et Al-Majnoun, il n'a pas de qasd, il n'a pas de niya. Pour lui, Al-Majnoun, il n'a pas de temise. Il n'y a aucune différence entre le bien et le mal. Contrairement à l'enfant. L'enfant, arrivé à un certain âge, il sait. Il sait que salat, c'est bien. Il sait que mentir et voler, c'est pas bien. Enfin, s'il fait le bien, il est récompensé. Wallahu ta'ala a'lam. Mawani' al-taklif, il en a cité trois. Al-Mani' al-awwal. Al-Nisyan. Al-Jahl, thumma. الإكراه نعم. يعني في رجوتا بك النسيان الخطأ. ما معنى موانع التكليف؟ أشياء تمنع الإنسان أن يعاقب أو يأخذ ثواب. موانع التكليف أي أمور مانعة للتكليف. أي أن الإنسان il est pas concerné par التكليف في هذا الحال. S'il oublie فلا يعاقب. S'il est forcé فلا يعاقب. نعم. كذلك الجاهل واحد يفعل une chose par ignorance فإنه لا يأخذ en compte لماذا لأنه لا مانع إلى une chose qui empêche فهذا الباب المهم بل ces deux points ces deux chapitres الأمر والنهي ça fait partie des chapitres les plus importants في علم الأصول واليوم نبدأ إن شاء الله تعالى في باب جديد et il est aussi important que les deux chapitres précédents. Bab al-Am et le chapitre suivant, al-Khas. Qala rahimahullah al-Am. Hadha al-Bab, il est muhim jiddan. Limadha li'anna il est lié directement aux nusus. Comme l'amr wa nahy, al-awamir wa nawahi, c'est lié directement au texte. Dans le Coran, tu as des ordres et tu as des nawahi. Il faut faire telle chose et il faut délaisser telle chose. Wallahi alhamd, on a fini l'étude de ces deux chapitres. Wallahi, on commence ce chapitre al-Am et bi-idhnillah kadhalik son le chapitre qui est lié le suivant al-Khas et c'est lié directement aux nusus. Wa ba'd an-nusus 'am wa ba'd an-nusus khass. Il y a des versets du Coran مثلاً ils sont 'am et d'autres ils sont khass wa hakadha. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العام تعريفه العام لغة الشامل quelque chose de عام c'est quelque chose de شامل أي qui englobe c'est pour ça qu'ils traduisent par global ou général العام et la traduction par global probablement c'est أقرب أي ça va englober beaucoup de choses qui sont liées au لفظ مثلا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هذا لفظ عام يشمل جميع المؤمنين tous les croyants ils sont concernés يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام tous les مؤمنون ils sont concernés c'est عام sauf s'il y a un dalil qui montre أن فلان il n'est pas concerné مثلا le malade مثلا le voyageur il a أخر ففي هذا الحال l'enfant كذلك المجنون tout ça on a des adil خاصة qui montrent que cette généralité cette globalité elle est pour tous les croyants sauf un tel et un tel c'est ça العام والخاص enfin, celui qui a compris ces deux chapitres العام والخاص ça va lui faciliter جدا la compréhension du fiqh فكم من الناس زلوا في باب الفقه لماذا لأنهم ils n'ont pas compris cet outil عظيم الأصول بعضهم مثلا ils ont un dalil am et ils pensent que ça englobe tout le monde à cause de leur ignorance ils connaissent pas les autres preuves qui spécifient cette généralité et ils connaissent pas les règles comment se comporter ils pensent qu'il y a une contradiction et في هذا الحال البعض يستوي بالهوى ils prennent le dalil qui l'arrange وهذا c'est un خطأ واضح étudier هذه الابواب c'est من اهم ما يكون pour الفقيه et pour celui qui veut étudier الفقه قال واصطلاحا دائما يسيت رحمة الله عليه إلى السيتي بهذه الرسالة et dans tous ses كتب quand il cite التعريف en général il cite un تعريف لغوي lié directement à la langue arabe ثم اصطلاحي. هنا في اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الأصوليين، سيكون العام عندهم. قال: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، أي هذا اللفظ يبقى أنجلوبي جميع أفراده، مثلا يا أيها الذين آمنوا، سبا أنجلوبي تو المؤمنون، تو الكرويون بلا حصر، sans définir une limite. مثلا il n'y a que les hommes ou il n'y a que les femmes ou il n'y a que les arabes ou il n'y a que les non-arabes ou il n'y a que ceux qui ont atteint tel âge. Là, يا أيها الذين آمنوا s'englobe les arabes, les non-arabes, les femmes, les hommes de tout âge, tant que c'est des croyants. يا أيها الذين آمنوا. ثم il y a des choses qui sortent من هذا العموم avec des autres أدلة. أما العموم il englobe tout. قال مثل إن الأبرار لفي نعيم، وهذا دليل طيب. إن الأبرار لفي نعيم، أين العموم؟ هو إن الأبرار، الأبرار فسا العموم. الأبرار سي أصحاب البر، ceux qui font du bien، les croyants qui ont fait du bien في الدنيا. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى il a cité leur récompense. هنا لفي نعيم، فسا أنجلوب جميع الأبرار، ça englobe jami' al-abrar, ay tous ceux qui meurent ala al-iman wa ala al-birr wa ala al-a'mal as-saliha, ils seront fi na'im. Hada la but. Même si certains croyants ils rentreront fi an-nar à cause de certains péchés, ils seront fi na'im. Ala kulli hal, ils sortiront min an-nar et ils seront éternellement fi na'im. Fa ça englobe jami' al-abrar. Innal abrara la fi na'im. Et on a cité كذلك قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا سانغلوب جميع المؤمنين. فخرج بقولنا المستغرق لجميع أفراده ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم والنكرة في سياق الإثبات. المستغرق لجميع أفراده، الفرد هنا tu peux traduire par une personne. فمثلا الأبرار si on vient à les nommer، فواحد يسأل محمد، واحد يسأل عبد الله، واحد يسأل عبد العزيز، إلى آخره، سانغلوب جميع الأبرار. فقوله المستغرق لجميع أفراده أي سانغلوب tous ceux qui ont cette caractéristique، الإيمان والبر والأعمال الصالحة etc. هذا سوف يسortir ماذا؟ قال ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم. C'est qui donne un exemple avec العلم. الأصول il faut participer. أما qu'on lise فقط ما ستستفيدون كثيرا، خاصة هذا الكلام اللي دقيق اللي مختصر، il y a beaucoup de فوائد، ربما avec de la lecture simplement beaucoup de choses vous allez pas saisir et c'est pas le but. تفضل. une جملة حتى ننظر الحكم par rapport au فرد. محمد قائم، القيام سا حكم، il est debout. c'est pour qui؟ c'est pour محمد. est-ce qu'on parle de tous les êtres humains؟ là محمد قائم، on parle de محمد. هذا فرد، c'est un علم. قال والنكرة في سياق الإثبات، هذا il est plus compliqué. أما le premier vous devez rester très simple. العلم c'est très simple. on dit محمد رسول الله. il y a combien de رسول؟ il y en a un، c'est محمد عليه الصلاة والسلام. dans notre phrase qu'on a cité محمد رسول الله. est-ce que les autres c'est des رسول؟ لا، sauf ceux que Allah سبحانه وتعالى il a démontré que c'est des رسول. هذا c'est ça العلم. Contrairement au umum. Au umum, on ne vise pas une personne. On dit « Inna al-abrar ». Min al-abrar, notre prophète Mohammed a.s. bel imamuhum wa afdaluhum. Tous les prophètes, tous les compagnons, tous les savants de l'islam, tous les croyants. Tout cela, c'est des abrar. Vous avez remarqué la différence. Al-alam, c'est wahid. C'est une personne précise. Thumma al-nakira fi siyaq al-ithbat. Ka qawlihi ta'ala fa tahriru raqabatin. لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدا غير معين. هم وقع هذا في باب الإطلاق، لأن هناك autre chose، un autre باب qui ressemble au عام c'est المطلق، et qui ressemble au خاص المقيد، et on fera la différence بإذن الله عز وجل في ذلك الباب. فهنا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، أي libérer affranchir un esclave. Vous avez remarqué que رقبة il est نكرة في سياق الإثبات. On refait la remarque qu'anna al-usul c'est lié directement à la langue arabe. Celui qui n'a pas étudié la langue arabe, faroubama ba'd al-masa'il, ça peut être compliqué pour lui. Lakin on essaye de simplifier. An-nakira c'est raqaba. Il n'est pas mu'arraf, il serait mu'arraf, il y aurait alif ou lam. Ou il y aurait une idafa. Raqaba, mu'mina. Ou al-raqaba. Ça c'est mu'arraf. Huna il est nakira, il n'y a pas d'alif ou lam, il n'y a pas d'idafa. C'est pour ça qu'il y a tanouin à la fin. Raqabatin. Fi siyaq al-ithbat, qal azawajal, fa tahriru. Ay, affranchir. C'est al-ithbat, le contraire c'est le nafi. Il y aurait la, ou ma. Fa tahriru raqaba, on a bien. Ithbatun. Et nakira. Faqala Cheikh Ibn Uthaymeen, an-nakira fi siyaq al-ithbat, quand tu as ism nakira, comme raqaba, fi siyaq, dans une phrase, fiha ithbat, qala Cheikh Ibn Uthaymeen, la tatanawal jami' al-afrad ala wajh al-shumul, wa innama tatanawal wahidan ghayr mu'ayyan. Ay, tu choisis une raqaba. Et c'est expliqué dans d'autres adillah mu'mina, parmi tous les esclaves. Est-ce que tu dois affranchir tous les esclaves là? Fatahrir ou raqaba, celui qui pense que c'est âme, donc il doit affranchir tous les esclaves. C'est pas possible et c'est pas le mourad. C'est pas ce qui est voulu dans le texte, dans le verset. Fahuna, fatahrir ou raqaba, et tu dois en choisir une. Donc c'est un esclave et c'est un croyant, si tu l'affranchis, tu as appliqué le verset. Mafhoum. Si tu dis matalan, tu dois affranchir Muhammad. Ou tu dois affranchir Abdullah. Ahouna, c'est pas l'umoum. Ahouna, c'est A'alam. Tu dois affranchir Mohammed. Et cet esclave qui s'appelle Mohammed, tu l'affranchis. Amma, ahouna, tu as le choix. Fatahriru raqabatin aham shay. Tu choisis et tu en affranchis un et tu as appliqué le verset. Hada pour montrer que Al-Alam, c'est pas min al-umoum. On répète, Al-Umoum, matalan, elle est croyant. Al-Alam, à une personne spécifique, Mohammed. مفهوم. Un autre عام, un autre عموم, الإنسان, c'est عام. Et on peut le spécifier par واحد مثلا avec قوله عز وجل فتحرير رقبة. فتحرير رقبة, أي tu choisis un esclave parmi هؤلاء, parmi ces esclaves. On aurait pu citer العموم, les esclaves, أحسن. Et tu choisis un parmi ceux-là. Enfin, tu vas sortir un de ce umoum. هذا قول شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. الان on répète, ça va être واضح. Suivez. فخرج بقولنا المستغرق لجميع افراده. المستغرق, ça englobe tous ceux qui sont caractérisés par هذا اللفظ. المؤمنون, ça englobe tous les croyants. قال ما لا يتناول الا واحدا. Ça fait sortir ما لا يتناول الا واحدا. Quand tu vises une personne, c'est pas du umoum. C'est pas du umoum. Maintenant, on dit Muhammadun qa'imun. On parle pas de tous les êtres humains. On parle de Muhammad, il est debout. هذا واضح. والنكرة في سياق الإثبات. Et celui-là, il est un peu plus compliqué, لكن inshallah, on a simplifié. قوله تعالى فتحرير رقبة لأنها لا تتناول جميع الأفراد. Est-ce que ça englobe tous les esclaves? Tu dois affranchir tous les esclaves? لا. فتحرير رقبة, tu choisis un esclave et tu l'affranchis. فهذا c'est pas un umum. لا. C'est quelque chose de spécifique. أي un esclave. قال وإنما تتناول واحدا غير معين. Et on verra هذا في باب الإطلاق. Il y a une différence entre le mutlaq و العام. قال وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع العصر مع الحصر كأسماء العدد مثل نعم كأسماء العدد مئة وألف ونحوهما. قوله الألفاظ المستغرق اللفظ المستغرق لجميع أفراده هناكم خير. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس إن الأبرار إن للمتقين مفازة. Tout ça c'est des عمومات بلا حصر. أي ne pas comprendre que quand il y a plusieurs choses c'est forcément العموم. لأن الآن jusqu'à présent vous avez remarqué que العموم c'est un grand nombre. Matalan, les croyants. Il y a des millions de croyants. Des milliards de croyants dans l'histoire. Walillahi alhamd. Et, fil muqabil, on a cité Al-Alam. On a cité Matalan Muhammad. Il est seul. Ou fatahrir raqaba un esclave. Vous avez remarqué que jusqu'à présent, il y a un grand nombre et pour spécifier, on cite toujours un. Ne pas comprendre quand il y a un grand nombre, c'est forcément l'umum. Là. Fata'ammal qawluhu bila hasr. Ça veut dire quoi? Hada ma yatanawal jami' afradihi ma'al hasr. Ka asma' al-'adn 100 wa 1000 wa nahwihima. Mathalan, je te dis ishtari 100 kitab. Achète 100 livres. Est-ce que c'est al-umum? Là. Al-umum, c'est al-kutub. Si je te dis achète al-kutub, et si elle est istighraqiya comme azayati, tu dois acheter tous les livres. C'est un. Matalan, je te dis achète al-kutub. Allati fi hadhihi al-maktaba. Tu dois acheter tous les livres qui sont dans cette librairie. Ça englobe tous les livres qui sont dans cette librairie. Je te dis l'an, ishtari mi'at kutub. Achète 100 livres de cette librairie. Est-ce que c'est am? Là. Limada li annahu y'a un hasr, c'est limité. Hada qawluhu wa kharaja bi qawlina bila hasr. Amma si tu limites dans un nombre, même si tu dis 1 million, 1 milliard, c'est pas un umum, inda al-usuliyin. Matalan, qawluhu inna al-insan wal asr, inna al-insan la fi khusr. C'est am. Aina al-umum? Al-insan. Tous les êtres humains, ils sont fichus. Thumma, il y a un taqid. Illa alladhina amanu, sauf les croyants, il a. Donc, inna al-insan, c'est un. Ça englobe tous les êtres humains. Ils sont fichus. Sauf ceux qu'Allah, il a guidé, il a. Si je te dis l'an, un milliard d'êtres humains, c'est des arabes. Ou c'est des non-arabes, maintenant. Est-ce que hada, c'est un umum? Là. C'est limité, même s'ils sont 1 milliard, même s'ils sont 10 milliards, même s'ils sont 100 milliards. Rien d'al-usuliyin, c'est pas al-umum. Al-umum, il n'y a pas de hasr, il n'y a pas de limite. Je dis les êtres humains, les croyants, les kuffars. Ça, c'est umum. Hada qawluhu bila hasr. Haqiqa, son ta'rif, il est daqiq jiddan. On le répète. Al-lav al-mustaghraq li jami' afradihi bila hasr. Qawluhu bila hasr, c'est pour ne pas que tu penses que s'il y a un grand nombre, c'est forcément un umum, c'est forcément une généralité, une globalité. La généralité, la globalité, il n'y a pas de limite. Ya ayyuha alladhina amanu, umum, il n'y a pas de limite. Si les croyants, maintenant, si on parle des croyants à notre époque, ils sont tous concernés par qawluhu azza wa jal, ya ayyuha alladhina amanu. Si on dit qu'il y a un milliard de croyants, donc ça concerne les un milliard. L'umum, personne sort de cette généralité. Sauf bien sûr avec un délit. Si je dis l'un, 900 millions de mu'mini sont kada. On est proche du nombre du umum fil haqiqa. Lakin c'est pas un umum. Limada li annahu ya hasr. Al-umum, il n'y a pas de limite. Ça englobe tous les croyants qui sont sur terre. Si tu limites avec un nombre, même si ce nombre il est très très grand, c'est pas min al-umum. Ahada, kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Ta'rif, il est compris? Tamam. Qala siyagh al-umum. Non, si on a compris At-Ta'rif, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité As-Siyar, et les formulations. Comment reconnaître que ce texte, min al-Qur'an ou min al-Sunnah, il fait partie de l'âme. Et comment reconnaître que il est khas? Thumma, tu vas appliquer une règle, azim. Comment te comporter avec les textes? Am, al-umumat. Et comment te comporter avec les textes qui sont khas, et comment rassembler entre l'âme ou le khas. C'est ça le fruit de cette étude. Awalan, commencez par As-Siyar. Qala Siyar al-Umum 7. Cheikh Ibn Uthaymeen, fi hada al-mukhtasar, il en a cité 7. 7 formulations qui montrent al-Umum. Awalan, ma dalla ala al-Umum, bi maddatihi. Mithl kull wa jami' wa kaffa wa qatiba wa amma, ka qawlihi ta'ala. Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Hada, il est simple, il est wadih. Le mot lui-même, il montre al-umum. Falihada qala ma dalla ala al-umum bi maddatihi. Ay, le mot lui-même, tu comprends al-umum. Matalan, kull. Kull, c'est wadih. Kull, c'est tout, tous. La shak, c'est min al-umum. Kadhalik jami'. On dit jami' al-kuffar fi an-nar yawm al-qiyamah. Est-ce qu'un kafir sort de هذا الحكم? Là, jami' tous les kuffar. Qala wa kaff wa qatiba wa am. Tous ces alfaz, c'est bi ma'na jami' kull. Ka qawlihi ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Kulla shay'in, ça montre que toutes les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créées et c'est bi qadarihi azza wa jal. Il sait tout, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a tout voulu. Et subhanahu wa ta'ala, c'est quoi la quatrième? Al-khalq wa والكتابة نعم نسينا الكتابة يا الله سبحانه وتعالى il a tout il a tout décrété il a tout écrit إن كل شيء إن خلقناه بقدر est-ce qu'une chose elle sort de ce qadar أبدا c'est عام ça englobe جميع المخلوقات كل المخلوقات personne sort عن هذا القدر لماذا لأن toutes les créatures elles sont créées toutes les créatures c'est Allah qui a voulu qu'elles existent toutes les créatures Allah سبحانه وتعالى il a écrit leur destinée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, il sait, hal jami' al-makhlouqat. Donc, qawluhu kul huna, ça englobe jami' al-makhlouqat. On peut citer un autre exemple. Qawluhu azza wa jal, qul ya ayyuhal nas, inni rasulullah ilaykum jami'a. Jami'a. Ça montre anna rasoula sallallahu alayhi wa sallam, c'est un rasoul pour tout le monde. Contrairement à ce que certains ignorants y pensent. C'est que pour les Arabes. Mais les autres, les Juifs, ils ont un Nabi, les chrétiens, ils ont un Nabi. Et les Arabes, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Bardahum, c'est encore plus grave. Ils pensent que les musulmans, ils ont un Nabi, c'est Rasoul. Les Juifs, ils ont un Nabi, c'est Moussa. Les chrétiens, ils ont un Nabi, c'est Isa. Et on est tous des frères. Abadan. قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Ça montre mal si tu as compris هذا العموم. أن celui qui ne croit pas en la prophétie, au message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, après que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam il a été envoyé, c'est pas un mu'min, c'est un kafir billah. Même s'il croit au prophète Moussa, Isa, il a akhiri, لماذا لأن الله عز وجل قال جميعا. Ça englobe tout le monde. Tout le monde doit croire au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les Arabes, les non-Arabes, les Juifs, les chrétiens, tout le monde, celui qui ne croit pas, enfin, c'est pas un mu'min, c'est pas un croyant. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quel Juif, n'importe quel chrétien qui entend parler de moi et qui ne croit pas en moi, s'il meurt à la dalhal, c'est un mécréant, il sera en enfer. هذا c'est un مثال. طيب هذا ظني إلى السامبل قال ثانيا أسماء الشرط قوله أسماء على الغالب سابيت حرف كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه فأينما وقوله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله فقوله من عمل صالحا فلنفسه اسم الشرط من فتأملوا قوله من عمل صالحا فلنفسه من s'englobe tout le monde celui qui fait du bien فلنفسه c'est pour lui enfin, celui qui se convertit qui croit au prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام qui croit au Coran qui fait des œuvres c'est pour lui من عمل صالحا فلنفسه ça nous montre deux فوائد أولا العمل الصالح c'est pour lui Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun. Il n'a pas besoin des œuvres de l'être humain. Thaniyan, anna hada l'insan, s'il fait des bonnes œuvres, personne ne pourra lui enlever la récompense. Limadha li anna Allah azza wa jal qal man amila salihan fali nafsi. Même s'il n'est pas d'accord, même s'il pense que tu es un égaré, ça ne change rien. Tu es à la khayr, tu es à la sunnah, tu es sur le droit chemin. Même si les autres ne sont pas d'accord. Fa qawluhum man, hada c'est pas khas pour quelqu'un. La guider, c'est pas que pour un tel. Les bonnes œuvres, c'est pas que pour un tel. Man amila salihan, celui qui fait des œuvres pieuses, fali nafsi. Al-amal salih, c'est al-ikhlas, ou al-mutaba'a, c'est fondé sur al-tawhid et le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Ay muqtada al-shahadatayn. L'application des deux shahadas. Ala kulli hal, man amila salihan fali nafsi, man, c'est min al-fat al-umum. Mathalan, on peut donner un exemple entre nous. On est plusieurs là. Et je dis man ajaba falahu kada. Man ajaba falahu kada. Celui qui répond, il aura telle récompense. Est-ce que c'est pour c'est pour tous les frères qui sont présents. Celui qui fait telle chose, il aura telle chose. Donc, هذا même c'est min alfad al-umum. قال الثالث أسماء الاستفهام كقوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين وقوله ماذا أجبتم المرسلين وقوله عز وجل فأين تذهبون هذا الشرح هذا وربما قد يشكل Les exemples, ils ne sont pas clairs comme les deux premiers points. Madalla ala al-umum, cool, c'est wadih. Asma al-shart, c'est wadih. Et on a oublié de citer ism al-shart dans le deuxième exemple. Fa'aynama tuwallu. Ism al-shart, c'est ayn. Ayn. Ayn. N'importe quelle direction, ça englobe toutes les directions. Fa'thamma wajhullah. Hada sa'umum. On revient à asma al-istifham. Qala Cheikh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi al-sharh. والحقيقة أن اسم الاستفهام قد يتبادر للطالب أنه ليس دالا على العموم صحيح سبا واضح خاصة pour des débutants comme nous فمن يأتيكم بماء معين فهنا pour arriver à déduire à faire ressortir un عموم de هذه الآية ربما certains d'entre nous ils pourront pas et c'est normal au départ قوله كذلك ماذا أجبتم المرسلين الشيخ العثيمين هنا نبه أن بعض الطلبة certains étudiants au départ ils ont du mal à pouvoir citer la globalité dans ce genre de verset قال لأنك تتصور في قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين أنه واحد صحيح قوله فمن يأتيكم بماء معين هذا سيستفهام عن استفهام أي سي tu peux traduire par une question أي qui c'est qui peut vous emmener ma ma'in aïe de l'eau qu'on pourrait boire si Allah subhanahu wa ta'ala il retire l'eau potable qu'on boit qui c'est qui pourra nous emmener de l'eau c'est l'eau ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui l'a créé c'est lui qui l'a fait descendre il a akhri fa qala azza wa jalla faman ya'tikum bima'in ma'in aïe qui c'est qui va pouvoir vous emmener de l'eau si Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne plus d'eau. Donc, wahed, il peut comprendre, annahu c'est wahed. Annahu c'est wahed. Ça veut pas dire qu'il est capable, huna. Là, comprenez bien. Vama ya'tikum bima'in ma'in. Annahu wahed. Ay, al-istifham, huna. Est-ce que ça vise wahed ou tous? Enfin, en haqiqa, pour pouvoir déduire hada ou hada, c'est pas clair. Pour les débutants, bien sûr. Qala lakinahu yashmal kulla ahad. فقد يأتينا بالماء واحد وقد يأتينا ملايين لكن في الآية الكريمة الذي يأتينا به واحد وهو الله عز وجل نعم فمن يأتيكم بماء معين أي أبغى الله بيرسون فقولوا فمن يأتيكم بماء معين هنا قال لكن يهو يشمل كل أحد أي من باب الإنكار أي بيرسون ne pourra emmener de l'eau ça englobe tous les êtres humains فالـ fait que ça englobe tous les êtres humains c'est عموم لكن qui c'est qui peut nous donner de l'eau c'est Allah et il est unique. Enfin vu que وعد الناس ils savent très bien que la réponse va man yatikum bima ma'in c'est Allah azza wa jalla ils arrivent pas à trouver l'umum. Ils disent mais c'est Allah azza wa jalla c'est le seul qui est capable de créer l'eau de faire descendre l'eau ila akhirah. لكن المراد هنا c'est pas هذا. فمن ياتيكم بما ماعين اي tous les êtres humains ne peuvent pas. Ça c'est un umum. Ça englobe tous les êtres humains, belle toutes les créatures. Celui qui est capable, c'est Allah Azza wa Jalla. لماذا؟ لأنه c'est le créateur. هذا. ثم قال لو قلت من يعرف جواب هذا السؤال فهذا عام يمكن أن يعرفه واحد ويمكن اثنين ويمكن عشرة. C'est un exemple un peu plus clair pour nous. مثلا je dis من يعرف جواب هذا السؤال. Le من هنا c'est ça englobe tout le monde. Peut-être que l'akh il sait, peut-être que l'akh il sait, peut-être que hada il sait pas, hada il sait pas, hada il sait. Mouhim, ça englobe tout le monde. Tout moi, celui qui sait, ça peut être un, deux ou trois. Enfin, le fait que ça englobe tout le monde, hada, c'est un. قال هذا وجه دلالة اسم الاستفهام على العموم. وإلا فأنا متأكد هذا كلام شيخ ابن عثيمين. قال وإلا فأنا متأكد, أي شيخ ابن عثيمين يدي أنا جو سوي سور أن بعض الطلاب يظن أنه لا يدل على العموم. رحمة الله عليه قال أن il était sûr أن certains étudiants ils n'arrivaient pas à déduire العموم de ce genre de verset. صدق رحمة الله عليه, لأن هذا ça demande أولا une explication, une réflexion et bien sûr شيء من العلم. أما la première fois que tu étudies العام et الشيخ il te cite ce verset et il te montre que c'est عام, au départ tu as du mal et c'est tout à fait normal. Le deuxième verset, فماذا أجبتم المرسلين؟ قال الشيخ ابن عثيمين dans le شرح, فقوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين, سؤال عن أي جواب أجابوا به المرسلين فهو عام. ماذا أجبتم المرسلين هنا c'est pas la personne, لا c'est الجواب. ماذا أجبتم المرسلين أي avec quelle réponse, quelle réponse vous avez donné au messager, ça englobe toutes les réponses. ماذا أجبتم المرسلين فالأجوبة عام, ça englobe toutes les réponses. وقوله تعالى فأين تذهبون عينوا أي مكان, إذن يفيد العموم. فأين تذهبون سانغلوب tous les endroits. أين تذهبون أي واحد يبقى على الإست, واحد على الوست, واحد على النور, واحد على السود, سانغلوب tous les أماكن. فهذا ربما يشكل على بعض الإخوة. C'est pour ça qu'on a lu من كلام شيخ ابن عثيمين en relisant et après cette explication et bien sûr en cédant de la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, ça sera plus simple. Barakallahu fik. Rabi'an al-asma' al-mawsoula alladhi walladhani walladhina wallati, tout ça on l'a vu ensemble fi durus al-ajrumiyya. Tout ça c'est de la langue arabe. Asma' al-istifham c'est pour les questions, man mathalan. Asma' al-shart, et vous avez remarqué que man ça peut être ism istifham et ça peut être ism shart, ça dépend de le معنى. Man amila salihan li nafsi, هنا c'est un shart, et celui qui a هذا الشرط le hukm il est applicable sur lui, هذا c'est man ash-shartiyya. Amma faman yatikum bima ma'in, c'est un istifham, c'est une question. مثلا je dis man yujib, c'est une question. Donc man ça peut être, elle peut être istifhamiyya, elle peut être shartiyya. Tout ça c'est de la langue arabe. Al-asma al-mawsoula, donc on a dit comme alladhi, كقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون, وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى, وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. الذي هنا سأنغلب الجميع. فمثلا قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون, أي celui qui applique cette chose citée dans ce verset il est min al-muttaqun, أولئك هم المتقون. Que ce soit un homme, une femme, un arabe, un noir, un blanc, un noir, il est concerné. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون, donc c'est bien un lafz am. والذي أي tous ceux qui صدق, ils font partie de المتقون. La même chose, والذين جاهدوا فينا, c'est la même chose. Et tous ceux qui font des efforts في دين الله, ils empruntent le droit chemin, Allah il les guidera. Ça montre que la guider, c'est pas réservé à un tel et à un tel. Est-ce qu'il y a une différence entre les riches et les pauvres? Il n'y a aucune différence. لماذا لأن الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى, فقوله لمن, نعم كأنه نعم من هذا بمعنى الذي, نعم. Donc من, on a من الشرطية, on a من الاستفهامية, on a من qui est بمعنى الذي. لمن يخشى أي للذي يخشى. من, si tu peux le remplacer par الذي, c'est من الأسماء الموصولة, ça va impliquer العموم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أي للذي يخشى. أما فمن يأتيكم بما معين, tu peux pas remplacer par الذي. قوله من عمل صالحا, وهنا tu peux الذي عمل صالحا فلنفسه فلا بأس. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض, فما هنا كذلك tu peux le remplacer par الذي. ولله الذي في السماوات والذي في الأرض, أي tout ce qui est sur terre Et dans les cieux, ça appartient à Allah Azza wa Jalla. Est-ce qu'il y a une chose qui sort min hadal umum? Abadan. Tout ce qui est sur terre et dans les cieux, ça appartient à Allah Azza wa Jalla. Jami' al-mulk, c'est le malik subhanah. Donc, al-asma al-mansoura, c'est assez simple. Cinquièmement, al-nakira fi siyaq al-nafi, ou al-nahi, ou al-shart, ou al-istifham. Al-inkari. Al-nakira fi siyaq al-nafi, ou al-nahi, ou al-shart, ou al-istifham al-inkari. Contrairement à al-nakira fi siyaq al-ithbat. T'as-t-il l'exemple qu'on a cité avec le ta'rif. Al-nakira, on répète, c'est, مثلاً, tu dis rajulun. Il est Nakira. On ne sait pas c'est quel homme. Rajulun, c'est un homme parmi les hommes. Si tu dis Ar-Rajulu, avec Alif ou Lam, il n'est plus Nakira. Ar-Rajulu, peut-être que Ar-Rajulu, c'est celui qui est devant nous. Mais si on dit Rajulun, et il y a 10 hommes devant nous, on ne sait pas c'est lequel. Mafhoum. Hada, bi'idnillah, Azza wa Jalla, un tome, vous l'avez saisi avec les cours de langue arabe. Fa'an Nakira fi siyaq al-ithbat, taqaddam ma'ana annahu, c'est pas min al-umum. Fa'tahriru raqabatin. A été choisi une raqaba parmi toutes les raqabas. Amma huna, c'est un nakira fi siyaq al-nafi, c'est le contraire. Fil ithbat, la yufid l'umum, fil nafi yufid al-umum. Wa al-nahi, c'est la même chose, al-shart al-istifham al-inkari. Il a cité un exemple pour chaque. Le premier, un nakira fi siyaq al-nafi, qawluhu ta'ala wa ma min ilahin illallah. Aina al-nafi wa aina al-nakira. Et qui c'est qui nous déduit al-umum? Tfaddal. Naam, wa ma min ilah, ma, donc c'est nafi. Al-Nakira? Al-Nakira wa ilahin. Ilahin. Ilahin il est Nakira. La preuve, on a un tenoui. Aïna al-umum du verset. Elle est où la généralité, la globalité, l'un dans le verset? Ma fi ilah illallah. Wa ma min ilahin illallah. Umum mada? Tfaddal. Donc les autres aussi c'est des aliha. Naam. Fahada ça montre أن كل ما يعبد من دون الله c'est un ilah lakin bi batil. Wa ma min ilahin illa Allah. أما إله الحق c'est Allah seul. Donc ça montre que tous ceux qui sont adorés min دون الله عز وجل ils sont adorés bi batil. Même si c'est un ange, même si c'est un prophète, même si c'est un homme pieux, l'adoration elle est bibatil. Et bien sûr, l'ange, l'homme pieux et le prophète, ils sont contre cette adoration. Mais celui qui est d'accord, c'est un tarout. Fa'ala kulli hal, al-uluhiyya, al-ubudiyya. L'adoration c'est que pour Allah. Wa ma min ilahin illallah. Wa ma min ilah ay bihaq. Lian Allah azza wa jalla qala dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dans l'autre verset, huwa al-batil. Donc ça nous montre anna al-aliha, c'est des aliha batila, et ilahu al-haq il est wahid. Et c'est ma'na qawlihi azza wa jal, ou c'est ma'na al-shahada, la ilaha illallah. C'est exactement la même chose. Wa ma min ilahin illallah. La ilaha illallah. Donc, ala kulli hal, qawluhu wa ma min ilah, ça englobe jami' al-aliha. Illallah. أي الله سائله بحق أي الإله تقدم معنا سلمألوها المعبود donc وما من إله أي tous ceux qui sont adorés من دون الله face بباطل et celui qui mérite l'adoration c'est Allah قوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا أين on a fini النفي الآن on est fini النهي أين النهي وأين النكرة وأين العموم تفضل Il n'est pas fait le fi'l. Aïna al-nahi? La. Al-nahi, c'est la. Tfaddal. Aïna al-nakira? Qala al-nakira fi siyaq al-nafi ou al-nahi. On est fi al-nahi. Al-nakira ou shay'an? Shay'an. Donc, wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an. C'est quoi l'umum que tu peux déduire? Ça englobe même? Kullu man siwa Allah. Shay'an il est âme. Pourquoi? Avant il y a la. Al-Nahi. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Ça englobe les prophètes, les messagers, les anges, les vivants, les morts, les arabes, les non-arabes, les petits, les grands, les hommes, les femmes. Personne ne mérite l'adoration. C'est comme le verset précédent. وَعْبُدُوا اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فَلِهَذَا الْعُلَمَاءِ يَسْتَدِلُونَ بِهَذِي الْآيَةِ pour réfuter القبوريين, ceux qui adorent les morts, والمشركين عموما, أنهم ils adorent autre qu'Allah. Même si c'est un prophète, même si c'est un ange, لا يجوز. لأن العبادة c'est un حق لله. Le troisième verset, إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذا هو الشرط. الشرط يا نكرة. وسنستفيد عموم عند من؟ Ceux qui n'ont pas répondu. تفضل. أولا الشرط. الشرط حرف إن. إن سان شرط. إن تبدو. Cette condition. Celui qui fait cette chose. On a الجواب. فإن الله كان بكل شيء عليما. أين النكرة؟ النكرة شيئا. شيئا. ماذا تستفيد de ce verset? Avec cette règle, tu peux retirer une faïda azima, un umum. C'est quoi? Ahsant. In tubdu shay'an aw tukhfuh, fa inna Allah kana bi kulli shay'in 'alima. Fata'ammal qawluhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in 'alima, ça te donne l'explication. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il ignore une chose? Ma'ad Allah. Allah il sait tout. Fa lihadha qala بكل شيء عليم. ففي الحقيقة قوله إن تبدو شيئا أو تخفوه, si tu t'arrêtes là, أنت avec la règle de أصول, tu sais que Allah il sait tout. لماذا؟ لأنه قال إن تبدو شيئا, ça englobe tout. شيئا il englobe tout. C'est pour ça que Allah عز وجل قال إن تبدو شيئا أو تخفوه, que tu fasses apparaître une chose ou que tu la caches, Allah il sait tout. فلهذا ختم الآية بهذا الاسم العظيم قال فإن الله كان بكل شيء عليما. الله سي العليم سبحانه العليم أي سن علم لانجلوبتو إحاطة زمنية ومكانية كما تقدم معنا في شرح الأسماء الحسنى. قوله من إله غير الله يأتيكم بضياء. On est le dernier exemple, et c'est l'istifham al-inkari. L'istifham al-inkari, ça ressemble à l'istifham qu'on a vu auparavant, c'est une question. Lakin, huna c'est min bab al-inkar. C'est min bab al-inkar. Et en comprenant le verset, ça va être plus clair. Awwalan, qui c'est qui cite l'istifham, est al-nakira. Thumma il nous cite al-umum. Aindaman, ah, tfaddal. نعم من استفهام إنكاري ونكرة إله. دونك من إله غير الله يأتيكم بضياء. أين العموم؟ أن الله وحده يأتينا بضياء. نعم أي لا أحد يستطيع أن يأتي بضياء إلا الله. الضياء سي لا لوميير. سي الله سبحانه وتعالى كوم شاك نوي يدكريت كو لا نوي إل تومب. Le soleil se couche. Est-ce que quelqu'un peut faire venir le jour à minuit, mathalan? Abadan. Personne. Toutes les créatures, tout le monde attend la levée du jour. Si le soleil se lève en ce moment à 8h, à peu près 7h30, 8h, on est obligé d'attendre. Wahed, il veut que le jour il se lève à 2h du matin. Ma yastati. Ça englobe tout le monde. Falihada qala, man ilahun ghayrullah, yatikum bidhiya. Ça, c'est un istifham inkari, et pour que الكافر المشرك يغفلشي. وكذلك المؤمن ça lui renforce l'iman. Pourquoi adorer autre qu'Allah alors que personne ne peut faire venir le jour, personne ne peut faire venir la nuit, personne ne donne rizq, personne ne guide illa Allah. Pourquoi adorer autre qu'Allah? Vous avez vu avec cette règle faqat dans l'usul, c'est une règle dans la langue arabe كذلك, comme c'est استفيد dans la lecture du Coran. Tu liras le Coran. Et هكذا في مسائل الفقه, ça sera plus pareil. لماذا؟ لأن tu auras cet outil عظيم. Et on reprécise, on a cet outil, الأصول, les fondements de la jurisprudence, tu pourras l'utiliser, le comprendre qu'avec la langue arabe. Maintenant, si on devrait traduire nahnu tout ça, on aurait pu traduire, ou profiter d'une traduction. On aurait lu des mots incompréhensibles et on n'aurait rien compris à la fin. Sans traduire, vous avez compris. L'imam al-Aliyana, vous avez un minimum dans la langue arabe. Thumma, avec les exemples que Cheikh Ibn Uthaymin il a cités, avec la règle qu'on a dans l'usul, fi al-umum, alhamdulillah, c'est compris. Ça demande que de la révision et encore des efforts en langue arabe pour pouvoir étudier d'autres livres dans l'usul. Lana hada, al-kitab, c'est un muhtasar, c'est vraiment pour les débutants. Amma fi hada al-bab, il y a des tafsilat, dans certaines choses, il y a des khilaf, il a akhri. Lakin, à notre niveau, nahnu, ça nous suffit. Sixième point, al-mu'arraf bil-idhafa mufradan kam, kana am majmou'an. Al-mu'arraf, كذلك vous connaissez sous l'appellation al-ma'rifa, c'est de plusieurs catégories. Ça peut être bi-al, rajulun, il est nakira. Al-rajulu, il est ma'rifa, bi-al. Ça peut être كذلك bil-idhafa. Qui c'est qui donne un exemple? Ma'rifa bil-idhafa, il nous donne un nakira, thumma il nous donne une idhafa pour montrer al-ma'rifa. Indaman. Tout le monde doit répondre à ça. Tadda. أولا النكرة ثم تسيد الإضافة بيت نكرة ثم معرفة avec une إضافة بيت الله بيت نكرة بيت الله إلى معرفة أي tu as une précision qui montre ce بيت إلى أكي بيت الله أي لمساجد أو بيت محمد أو بيت عبد العزيز وهكذا on l'a vu هذا dans nos dروس donc المعرفة بالإضافة qui soit مفرد أو جمع. Que tu dis Baytullah ou tu dis Buyutullah. Vous avez remarqué que Al-Mudaf, il peut être singulier, il peut être pluriel. Dans les deux cas, قال المعرف بالإضافة مفردا كان أو مجموعا كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وقوله عز وجل فاذكروا آلاء الله أي نعم الله. Ça ressemble au mot نعمة. Donc le premier il est singulier نعمت الله. Et le deuxième, il est pluriel, ala Allah. Enfin, dans les deux cas, c'est min al-umum. Et là, il y a des précisions. Il faut que ça soit un ism, jins. Amma, dans des cas, c'est pas al-umum. Maintenant, tu dis babu al-masjid. Babu, ou babu al-bayt. Il n'y a pas d'umum. Babu al-bayt, la porte de la maison. Lakin, quand c'est un ism, jins, mit al-ni'ma. هنا سنغلب toutes les ni'ma واذكروا نعمة الله عليكم. Est-ce que tu dois être reconnaissant envers une ni'ma? Non, envers toutes les ni'ma. Pourtant il est cité au singulier واذكروا نعمة الله, une ni'ma. لكن la compréhension et l'explication c'est جميع ni'ma. لماذا? لأن on a une إضافة. Et الإضافة ça implique العموم. فلهذا celui qui traduit il doit avoir des connaissances في هذا. لماذا العلماء يقولون أن من شروط المترجم celui qui fait des traductions أن parmi les conditions أن il maîtrise la langue française, il maîtrise la langue arabe. Et maîtriser la langue arabe ça ne veut pas dire traduire avec un logiciel, avec une application, c'est pas maîtriser la langue arabe. بعض الناس ils traduisent du mot à mot et يحرفون المعنى sans s'en rendre compte. Mais celui qui connaît la langue arabe هنا واذكروا نعمة الله, est-ce qu'il va traduire et soyez reconnaissant envers un bienfait d'Allah? Là il va le traduire au pluriel. Soyez reconnaissant envers les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Pourtant, il est cité au singulier. Limadha li anna yassa que ni'mat Allah. Hadhihi al-idafa, c'est al-umum. Ça implique toutes les ni'am. C'est un exemple que j'ai cité. Est-ce qu'en langue française, soyez reconnaissant envers le bienfait d'Allah et ça englobe tous les bienfaits? C'est possible en langue française que le singulier, kadhalik, c'est l'il-jins. Lakin, c'est un mithal faqat. Septième et dernière sira, al-ma'rifa bi-al, al-istighraqiyya, mufradan kana ou majmou'a. Al-ma'rifa, tu dis al-rajul, tu dis al-bayt, al, elle a plusieurs sens. Al, plutôt il a plusieurs sens. Wa min hadhi al-ma'ani al-istighraq. Al-istighraq, ça veut dire que ça englobe. Ça englobe tout. C'est pour ça que le Cheikh Ibn Uthaymin l'a cité fil umum. Pour la reconnaître, c'est très simple. tu remplaces elle par cool. Tu remplaces elle par cool. Si elle, il accepte d'être remplacé par cool, c'est elle, elle est istiraqiya tufid al-umum. Fata'ammal qawlahu, Azza wa Jal, qala Cheikh Ibn Uthaymeen, qa qawlihi ta'ala wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Al-insan, il est bien ma'rifa, il y a alif wa lam. Est-ce que c'est un être humain? Là. Wa khuliqa al-insanu. Huna, c'est jinsu al-insan. Et l'être humain lui-même, il a été créé faible. N'importe quel être humain. Même s'il est fort physiquement, même s'il est fort intellectuellement, même s'il a beaucoup d'ilm, il reste au daif. Il goûte à la mort, il tombe malade. Il est akhir. Si on le remplace par kul, wa khuliqa kullu insanin daifa. Donc dès que tu peux remplacer elle par kul, c'est elle, al-istighraq et tufid al-umum. قوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وإذا بلغ الأطفال هذا سأنغلوب جميع الأطفال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أي quand l'enfant il atteint un certain âge فليستأذن كما استأذن الذين من قبلكم il peut plus aller où qu'il veut rentrer dans n'importe quelle pièce là لابد من استئذان خاصة la chambre de ses parents, khasatan si c'est un garçon et Obama dans une pièce, il peut avoir une femme étrangère, falistizan. Kadalik, s'il veut aller chez le voisin, un enfant maintenant, quand il va chez son voisin, il n'y a pas d'istizan. On parle d'un enfant vraiment petit, 3 ans, 4 ans, Obama à la porte du voisin, il ouvre, il rentre. Et, falhaqiqa, les voisins, ils le prendront pas mal, c'est un enfant, là, qu'il arrive à un certain âge, falabud min istizan. Et ça, c'est une sunna, haqiqa, qui demande à être détaillée, à l'istizan. أي في البيوت أي في صحيح البخاري صحيح مسلم كتب السنة يا باب الاستئذان إذا أحاديث عظيمة في هذا الباب على كل حال فالعموم قوله الأطفال وإذا بلغ الأطفال أي كل طفل وإذا بلغ سنقلب جميع الأطفال الحلم فليستأذنوا فالأل الاستغراقية ألي أسي السامبل قال وأما المعرف بأل العهدية فإنه بحسب المعهود فإن كان عاما فالمعرف عام وإن كان خاصا فالمعرف خاص العهدية ça dépend c'est quoi qui est visé si c'est une chose qui est visée de عام فألل sera للعموم si c'est quelque chose qui n'est pas عام فألل sera pas للعموم العهدية ça dépend ce que tu vises avec les أمثلة ça va être plus clair قال مثال العام قوله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون هذا سلعام نعم قوله إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين حقيقة لبخومي ملائكة سباش شاهد إذ قال ربك للملائكة سلي الاستغراق هات ننظر الشرح عفوانا شخوان انتبخون شرح أين هذا نعم مثال خاص مثال عام قال الشاهد في قوله الملائكة الثانية هذا أما لبخومي فلي الاستغراق وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين هذا سنقلب جميع الملائكة فالشاهد سي لو دوزيام لان ال فيها للعهد واما الاولى فال فيها استغراقيه نعم فلا دوزيام لو دوزيام ملائكه يغوفيون بروميير لو بروميير سي كوا سي عام ام خاص لو بروميير لفظ الملائكه دون لو فيرسي سي عام اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين دونك هنا هنا ال استغراقيه نعم إذ قال ربك للملائكة أي لكلهم ثم قال فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له الساجدين فسجد الملائكة c'est de quelle ملائكة que الله سبحانه وتعالى il parle tu reviens aux ملائكة les premiers qui sont cités donc elle هنا c'est عهدية للعموم العهدية ça revient au lofd qui est cité auparavant ou qui est fidin dans ton intention on ne détaillera pas ça peut être assez compliqué pour ceux qui n'ont pas étudié la langue arabe. À la kulli hal, faqouluhu fasajada al-malaika فعهدية تفيد العموم لماذا لأن avant العموم il est cité فقال si on lit son كلام الآن وإذ قال ربك للملائكة أي لكل الملائكة donc استراقية le premier lover إلى قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون أي الذين قيل لهم أسجدوا وهم الذين سجدوا فلهذا قال عز وجل وفسجد الملائكة كلهم أجمعون Elle est ahdiya et ça montre que c'est jami' al-malaika. Limadha li'anna al-ahd il a été cité juste avant. Qawluhu it qala rabbuka lil-malaika. Et celui qui n'a pas compris ce passage, al-amr sahl. Ça viendra, ça peut être compliqué. Celui qui n'a pas saisi awwalan la différence entre al-istiraqiyya ou al-ahdiya et on peut pas tout détailler huna. Si on lit al-khas, ça va être plus clair avec al-khas. Qala rahimahullah wa mithalu al-khas. Qawluhu تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أين الشاهد عند من ها الرسول هكذا si vous voulez profiter du ilm laissez les choses simples et procéder par élimination on est fi'al on te demande de nous citer le shahid c'est forcément bi'al regarde le verset tu as qu'un mot al c'est forcément ce mot Et alhamdoulilah, intahina. Baqiya al-an, pourquoi c'est autre chose ? Indaman. Tfaddal. Ahsant, al-rasoul, là, c'est Moussa. Kama arsalna ila fir'aoun rasoula. C'est qui le messager qui a été envoyé à Fir'aoun et à son peuple ? C'est Moussa. Thumma qala azawajal, fa'asa fir'aoun al-rasoul. Vous avez remarqué qu'il y a alif ou lam. Est-ce que Fir'aoun, il a désobéi à tous les messagers ? Là. Le prophète Mohammed, il n'était pas encore créé. Et l'histoire de Pharaon, c'était avec Moussa, ce n'était pas avec Adam ou avec Nuh. Ou avec Ibrahim, alayhim as-salatu wassalam ajma'in. Donc, qawluhu ar-rasoul, et c'est là que vous pouvez comprendre, ma'na al-ahdiya, le al, ça revient à ce qui est cité auparavant. Si c'est quelque chose de âme, il est âme. On avait le premier exemple. It qala rabbuka lil malaika. Et le deuxième, فَسَجَدَ الْمَلَائِكَ الْمَلَائِكَ Ce qui est cité avant, c'est الْمَلَائِكَ بِالْعُمُومِ Donc, on dit أَهْدِيَ تُفِيدَ الْعُمُومِ Le deuxième exemple, vu que ce qui est visé, c'est Moussa alayhi salatu salam, donc الرسول, alif ulam, est-ce qu'on dit l'umum ? On dit là, c'est pas l'umum. Ça revient à Moussa, le Rasoul, c'est Moussa alayhi salatu salam. C'est ça la différence entre l'âme ou l'khas, هنا. قال رحمه الله وَأَمَّا الْمُعَرَّف بِأَلْ الَّتِي لِبَيَانِ الْجِنْسِ فَلَا يَعُمُّ الْأَفْرَادِ Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, dans le Sharh Hafada, on a la différence entre al-istiraqiyya ou al-jinsiyya, en al-lati libayan al-jins, la yahil mahalluha kul. Ça, c'est une différence tayyiba. En al-istiraqiyya ou al-jinsiyya, ça se ressemble, en al-haqiqa. Lakin pour les différencier, en a celle qui accepte d'être remplacée par kul, celle est l'istira. Si elle n'accepte pas, c'est l'il-jins. Qal wa amma al-mu'arraf bi-al. التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد فإذا قلت الرجل خير من المرأة أو الرجل خير من النساء فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال هذا سنقزم طيب سن فائدة وتمنخ la différence entre الجنس والاستغراق Il a cité l'exemple de Ar-Rijal ou Al-Nisa. Ar-Rijal khayrun ou Ar-Rajul khayrun min Al-Mar'a. Huna, le L dans Ar-Rajul et le L dans Al-Mar'a, c'est le jins. Et le genre masculin, il est meilleur que le genre féminin. Comme a dit Azzawajal, Ar-Rijal qawwamuna ala Al-Nisa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné de l'autorité aux hommes sur les femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi parmi les prophètes que les hommes. Et les femmes, naqisat, aql, wadi, par rapport à l'homme. Et on peut citer un exemple. La femme, elle fait pas salat quand elle est en état de menstrue. L'homme, il fait toujours salat. Famin hadi nahiya, jins, le genre masculin, il est mieux que le genre féminin. Hada c'est ma'rouf. Et fi hada al-bab, walillahi alhamd, al-muslimoun, la yaghtarroun bil-kuffar, qui essaye de d'appeler à l'égalité fi hadha al-bab. Alors que aqlan c'est différent. Aqlan wa shar'an wa fi al-waqi' l'homme il est différent de la femme. Prends l'exemple physiquement. الرجل إلي أفضل إلي أقوى. لكن هنا نبار بيان دو الجنس. بوركوا؟ لأن كما قال الشيخ ابن عثيمين فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء. Et c'est ça la différence avec elle الاستغراقية. Ça serait elle الاستغراقية فالرجل خير من المرأة. المعنى ça serait tous les hommes, chaque homme il est meilleur que les femmes. Et si tu compares un homme et une femme, forcément l'homme il est meilleur. Là, هنا c'est les jeans. Et le genre masculin est meilleur que le genre féminin. Et tu peux trouver, voilà, chaque une femme qui est mieux qu'un homme. Belle, au bord de Nisa, certaines femmes, une femme parmi les mu'minat, elle est meilleure que tous les kuffars parmi les hommes. Il n'y a aucun doute sur ça. Et tu peux trouver une femme dans tel domaine, elle est meilleure que tel homme. Maintenant, dans l'ilm, tu peux trouver telle femme, elle est meilleure qu'un homme précis dans le domaine de la cuisine, de kada. Lakin al-jins, le genre, enfin le genre masculin, elle est meilleur que le genre féminin. On peut citer un autre exemple pour clarifier أكثر. جنس العرب كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن العربي خير من الأعجمي. أي الجنس أي لوريجين عرب elle est meilleure que les autres origines. C'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام c'est un عرب. الله il l'a choisi من أفضل الجنس. Et كذلك le Coran il a été révélé en langue arabe. C'est le meilleur livre et Allah il a choisi la meilleure langue pour le Coran. Donc l'arabe il est meilleur que le non-arabe. Ça c'est min hayth al-jins. Est-ce que ça veut dire que chaque arabe il est mieux, il est meilleur que un non-arabe? Abadan. Tu trouves ba'd al-a'jam, certains non-arabes, ils sont meilleurs que des milliers, des millions d'arabes. Abu Jahl c'était un arabe. Bel, il a les mêmes ancêtres que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est un mujrim, un mushrik, il est mort à l'al-kufr. C'est une des personnes qui a fait le plus de mal au prophète, alayhi salatu wassalam. Et tu trouves, Wa'ad al-Sahaba, radiyallahu anhum, il a l'ajim, c'était pas des arabes. Bilal wa Salman, il a akhiri, c'est min afadil al-Ashab, rasulillahi, alayhi salatu wassalam. Lakin al-jins, le jins al-arab, il est meilleur qu'un autre. Si tu qaddars deux hommes, ils ont le même niveau fil ilm, ils ont le même niveau dans la piété, ils ont le même niveau dans tout. Et hada, c'est un arabe, et l'autre, c'est un arabe. L'arabe, il est comme son frère, lakin il est afdal, il a une chose de meilleure que lui, c'est son origine, annahu il est arabe, et dhalika fadlullah yu'tihi man yasha. Donc bien comprendre hada al-jins, il peut être meilleur, lakin al-afra, les personnes elles-mêmes wahida, même si elle n'a pas cette origine, elle peut être meilleure. On a donné l'exemple avec le genre masculin et le genre féminin, et كذلك l'origine arabe et l'origine non arabe. Qala al-amal bil-am. Si tu as compris هذا, le ta'rif, la définition, al-lafd al-mustaghriq li jami' afradihi bila hasr, c'est une généralité, ça englobe tout le sens de ce lafd. Matalan al-mu'minun, ça englobe tous ceux qui ont la foi. Thumma, tu as compris as-siyar, les différentes formulations. Ça peut être une formulation claire, comme kul jami'. Ça peut être asma al-shart, asma al-istifham, asma al-mansoula. Ça demande un certain niveau en langue arabe pour comprendre. Al-muhim, si tu as compris que cette chose, elle montre, al-umum, une globalité, une généralité, comment te comporter avec ce texte? Et c'est ça le fruit de cette étude. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, yajib al-amal bi-umum al-lafd. Al-am hatta yathbut takhsisu. Lianna al-amal bi-nusus al-kitab wa-s-sunna wajibun ala ma taqtadih dalalatuha hatta yaqum dalil ala khilaf dhalik. Dès qu'on a un dalil am, on est obligé de l'appliquer tant qu'on n'a pas une autre preuve qui montre une spécificité. Et c'est ce qu'on verra, incha'Allah, dans notre prochain tars al-khas. Qal wa ida warad al-am ala sababin khas wajaba al-amal bi-umumih lianna al-ibrata bi-umum al-lafd la bi-khususi sabab illa an yadul dalilun ala takhsisi al-am bima yushbih hal al-sabab aladhi warada min ajlihi fayakhtas bima yushbihuha. هذه المسألة elle est مهمة, et c'est une remarque في الحقيقة, c'est un تنبيه, أنه إذا ورد العام على السبب خاص, si un حكم عام il est descendu, il a été révélé sur une personne précise, est-ce que cette généralité elle est que pour cette personne, elle en englobe tout le monde? هذه المسألة il la cite في علوم التفسير, في علوم القرآن, في أصول التفسير العبرة. بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. Et on va appliquer cette règle avec le mithal que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité, ça va être plus clair. Inch'Allah. قال مثال ما لا دليل على تخصيصه آيات الظهار فإن السبب نزولها الظهار أوس بن الصامت والحكم عام فيه وفي غيره آية الظهار قوله عز وجل الذين والذين يظاهرون من نسائهم كانوا في سورة المجادلة والذين يظاهرون من نسائهم صص اللفظ عام أين العموم أحسنت الذين سانغلوب tous ceux qui font هذا الفعل يظاهرون من نسائهم فالحقيقة الفيرسي il a été révélé quand Aws ibn Samit radiyallahu anhu il a fait cette chose. Est-ce que le hukm il est que pour Aws radiyallahu anhu? La. Allez, هذا قال الشيخ ابن عثيمين والحكم عام فيه وفي غيره. Tous ceux qui font cette chose ils sont concernés. Allez, هذا on a une règle في التفسير. العلماء يقولون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقوله والذين يظاهرون من نسائهم. Tu regardes le texte. S'il est عام, ça englobe tous ceux qui font cette chose. Tu regardes pas la cause. Maintenant, on dit ce verset il a été révélé parce que tel compagnon il a fait telle chose et nous on n'a pas, il n'est pas descendu sur nous donc on n'est pas concerné. Abadan. Wala ahad yaqul bihada. Ay mina al-mu'minin al-uqala. Wa mithal ma dalla al-dalil ala takhsisih. Donc, si on n'a pas de dalil qui montre une spécificité, le verset qui a été révélé, si il est global, même s'il a été révélé sur une personne précise, il englobe tout le monde. Si on a un dalil qui montre une spécificité, قال ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر هذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل نعم الحديث اللي في الصحيحين أو هنا قال نعم في الصحيحين كما في الحاشية النبي صلى الله عليه وسلم ils étaient en voyage et il faisait très très chaud et il a vu un homme qui a perdu connaissance il s'est évanoui tellement qu'il faisait chaud et il faisait الصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم quand il s'est approché il a vu cet homme dans cet état il a demandé et ils lui ont dit ils lui ont informé أن cet homme il est tombé les malades et أنه il faisait الصيام il jeûnait تعلمون أن le jeûne en voyage et quand il fait chaud خاصة à leur époque les voyages c'était pas comme maintenant c'était très physique فcet homme il a perdu connaissance فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر فالحقيقة اللفظ الآن il est عام ليس من البر الصيام في السفر الصيام s'englobe الصيام qui soit نافلة أو فرض et السفر s'englobe tous les voyages donc celui qui est en voyage il fait pas الصيام شيخ ابن عثيمين قال فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل لماذا الشيخ ابن عثيمين il a cité la spécificité alors que le hadith il est global عند من تفضل لماذا c'est ça la question احسنت on a des autres preuves أن النبي صلى الله عليه وسلم il faisait le voyage في السفر قد يقول قائل mais ça c'est réservé au prophète عليه الصلاة والسلام le prophète عليه الصلاة والسلام il n'était pas comme nous physiquement c'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم il faisait الوصال il jeûnait nuit et jour أحيانا pendant 3 jours et le Nabi صلى الله عليه وسلم قال لستو كأحدكم et je ne suis pas comme vous Allah سبحانه وتعالى il l'abreuve nuit et jour أي معنويا Allah سبحانه وتعالى il lui donne cette قوة de pouvoir faire le jeûne 1 jour 2 jours 3 jours nuit et jour عليه الصلاة والسلام لكن on a des autres adillah مثلا الحديث اللي في الصحيحين كذلك أن الصحابي il a informé أن في سفر personne faisait الصيام إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة c'est un صحابي رضي الله عنه donc il a fait le jeûne pourquoi لأنه physiquement il pouvait كذلك أثر أنس رضي الله عنه فيما أذكر أنه قال كان لا يعيب المفطر الصائم ولا الصائم المفطر. Quand il faisait le voyage, celui qui jeûnait, il ne critiquait pas celui qui faisait le siyam, et celui qui jeûnait, il critiquait pas celui qui mangeait. Ça montre أن في السفر الأمر لواسع. لكن بعض الناس vu que ils ont pris que ce hadith ليس من البر الصيام في السفر, ils ont appliqué sur toutes les halat et ils disent que jeûner pendant voyager la yajouz ou c'est makrouh. Ya sahih la, ça dépend de l'état de la personne. Si il ressemble à cette personne, et فهذا قوله قول شيخ العثيمين فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل. Si واحد il est faible physiquement, si jeûne en voyage ça lui fait du mal, فليس من البر الصيام في السفر. Ça ne fait pas partie de la piété de jeûner pendant le safar. Et pour lui, il faut qu'il mange. Et il rattrapera son jour. فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Si Wahed, il est capable physiquement, et خاصةً à notre époque, le voyage il est beaucoup plus simple, خاصةً quand c'est en avion ou c'est un voyage court, فَالْأَفْضَلْ, c'est de jeûner. Et s'il ne jeûne pas, il a le droit, il a une rukhsa. Même si le voyage il est très très court, et même si... il n'y a aucune mashaqa, il est en pleine forme, il a le droit de manger. Limada li annahu, il est considéré musafir. Baqi ala masala, c'est quoi le mieux? Fallahu a'lam, le mieux, s'il est capable, c'est de jeûner. Wastabiqul khayrat. Et Allahu a'lam, est-ce qu'il pourra le rattraper? Amla ila akhari. Fal afdal, c'est de se précipiter à faire le bien. Et cette masala, on l'a détaillée, walillahi alhamd, fi sharh 'umdat al-ahkam, fi kitab al-siyam, et dans les autres durus qu'on avait fait avec certains frères, fi al-siyam. هذا الباب اللي مهم نغيفيزي لو حتى لو بروشان كور ان شاء الله تعالى اون نيتودي باب الخاص pour mieux comprendre العام il faut étudier le khas, ça va nous aider à comprendre plus de choses. فنسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. غيفيزي اولا التعريف, apprenez le اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر. Apprenez سياق العموم ولو si c'est pas par cœur, et l'essentiel c'est la compréhension. Vous lisez hatta vous comprenez, et si vous avez du mal à comprendre certaines sières, ça peut arriver, les c'est lié à la langue arabe, fal amr sahl, t'essayes de retenir ce que tu peux. Ce que tu n'arrives pas à retenir ou à comprendre, ça viendra plus tard bi idnillah azza wa jalla. Quand on étudie un livre ensemble ou vous étudiez un livre avec autre, avec un shir, avec un frère ou avec des audios, si tu ne comprends pas tout l'amr sahl, lakin n'oublie pas une chose, note. Mathalan, tu vas arriver sur l'umoun. La première, elle est très simple. Kol jami', ça c'est simple. Tu vas arriver mathalan à al-mu'arraf bil-idafa, mufradan ou majmou'an, tu n'as pas compris. Hona, tu mets un tambih. Wala au crayon de papier, pour plus tard, si tu as compris, tu l'effaces. Tu mets un tambih. Imma tu mets un point d'interrogation, imma tu mets hada yahtaj ila muraja'a. Tu sais que hada, ça demande, tu as besoin de revenir un jour. Inch'Allah, quand tu vas progresser en langue arabe, quand tu vas faire un deuxième livre de Usul, un jour tu reviendras, tu verras ce tambih et tu pourras l'enlever, l'effacer, les ma'adal et annaka, tu as compris. Ou si tu n'as pas compris, tu demandes, tu recherches. Hakada talabul ilm. Ama laisse pas le masail hakada. Le jour où tu ouvres le livre, tu sais même plus ce que tu avais compris, ce que tu n'as pas compris. Là, nabbah. Nabbah avec une ishara mukhtasara. Thumma, tu révises kadalik al-amal bil-am et hada, c'est très simple. L'ilm al-usul, c'est très très important. On fait des efforts. Wallahi alhamd, c'est qu'une fois par semaine. Tu as toute la semaine pour réviser. Révise hadha al-bab. C'est une ni'ma, azima, qu'on puisse étudier ensemble ce genre de livre. Et ça va très vite, même une fois par semaine. Ndoro. Probablement, on a fait le tiers du livre. Malgré les coupures. Enfin, à partir de maintenant, inshallah, s'il n'y a pas de coupure, ça peut aller très très rapidement. Enfin, réviser. Réviser. C'est votre premier livre fil usul. Et on s'est déjà conseillé, le premier livre, c'est le plus important. Si tu as bien compris ce livre, ça va te faciliter pour le prochain livre. Et kadalik, ça va pas te avoir du recul envers ce ilm. En général, quand tu fais, tu étudies mal le premier livre dans n'importe quelle matière. On peut donner l'exemple du sorf ou du nahu. Alors, après, tu as du mal à continuer. Tu peux penser que tu n'arrives pas à comprendre cette matière et tu as du recul. Ah, c'est pas taillé. Mais si tu révises bien la première fois, tu fais les efforts, tu donnes le haq au kitab, tout ce qui viendra après, ça sera simple. فهذا العموم قال شيخ العثيمين فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر. Et نعم. Donc celui qui a du mal à jeûner في السفر, ففي حاله, c'est pas من البر الصيام. Il ne jeûne pas. On n'a pas le droit d'exagérer في هذا الباب. Allah subhanahu wa ta'ala rahimun, karimun, il nous a donné une solution. Tu peux pas jeûner, tu rattrapes. Tu es excusé via dal hal. قال والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في الصفر. نعم on avait pas lu هذا لأنه on avait posé la question. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجنف في الصفر. Et autre que النبي عليه الصلاة والسلام on a donné l'exemple de عبد الله بن رواحة.